Charlie. Alors on a bien fêté la musique. Alors moi je vais te dire, je refuse de chanter le 21 juin. Oh, bon. C'est bien le seul jour de l'année. Oui, bah justement, il y a tellement de tocards qui chantent ce jour-là. Justement. Oui, justement, j'ai pas envie qu'on m'assimile. Bon, la diva, ça va, ça te dérange pas si on choisit les sujets? Non, allons-y. Bon, bah voilà, moi je propose la Grèce. Ah oui, ça c'est important d'en parler. C'est terrible, moi je trouve ça vraiment terrible. Quel déchet. Ah bah oui, moi je l'ai vu en 86, c'était magnifique. Ouais, mais sans doute déjà sous-jacent. Peut-être, enfin quelle émotion, j'avais l'impression d'entendre les monuments. Ah non, mais aujourd'hui c'est plus ça. Ah bah il en reste plus rien. Ah bah si, le petit alcool à l'anis là. Ouais, et puis ça peut repartir. Tant qu'il y a de la vie. C'est ça, faut regarder la vie tant qu'il y en a. C'est du Renault, ça. C'est Mistral gagnant, c'est Renault. Bon, ça d'ailleurs, c'est un sujet d'eux parce qu'il était en une du Parisien samedi. Ah ouais, ça c'était important d'en parler aussi. Ah oui, moi je trouve ça terrible aussi. Quelle déchéance. Ah oui, moi je l'ai vu en 86, Renault, c'était magnifique. Mais sans doute déjà sous-jacent. Peut-être, enfin quelle émotion, j'avais l'impression d'entendre des monuments. Ah non, mais aujourd'hui c'est plus ça. Ah bah il en reste plus rien. Ah bah si, le petit alcool à l'anis. Oui, mais ça peut repartir. Ah bah tant qu'il y a de la vie. C'est ça, faut regarder la vie tant qu'il y en a et entendre. C'est le 22 juin, aujourd'hui finit la fête de la musique, c'est le retour des professionnels. Formidable. Et Mistral gagnant. Formidable. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui repeint l'actualité à la truelle. Et voici les trois informations qu'on va étaler jusqu'à 18h. La Grèce, ses créanciers et la zone euro. C'est la dernière réunion de la dernière chance. Il y avait donc au total 42 réunions de la dernière chance. Bah maintenant que c'est vraiment la dernière, on sait combien il y en avait au départ. Petit conseil à Alexis Tsipras. Bonne chance, t'es sympa. Et surtout n'oublie pas. Quoi ? S'il pense que tu glandes, c'est foutu. Christiane Taubira, c'est un petit peu Astérix au gouvernement. Elle a un rêve, le rêve que chaque Français travaille 32 heures par semaine et qu'il puisse se reposer les samedis et dimanches. Elle est Astérix et César, ce serait Manuel Valls. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. À la une du journal ce week-end, Renaud crie « J'arrive ». Renaud, le chanteur, je précise au cas où Nadine Morano nous écoute. Bref, Renaud serait de nouveau sur la ligne de départ. Et pour faire des pâtés avec l'information, vous pouvez compter sur mon binôme, Alex Vizorek. Mais oui, bonjour Charline, quel bonheur de passer cette dernière semaine avec vous. Et parce que c'est la dernière, comme la dernière chance de Tsipras. C'est toujours la dernière. Aujourd'hui autour de la table, une belle équipe à 17h20. L'homme qui parfois fait une chronique d'actualité quand il reste un peu de temps à la fin de son jingle. Bonjour Thomas VDB. C'est vrai, c'est vrai. De quoi va-t-on parler? Eh bien on va parler déjà de la fête de l'actualité qui a eu lieu hier. Et puis bien évidemment, on va parler à cette occasion d'un chanteur, d'un parolier qui nous a quittés trop tôt. Merci, à tout à l'heure à 17h30, celui qui parfois laisse un peu de place à la libre interprétation des auditeurs quand il reste un peu de temps à la fin de son militantisme. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Et ben moi j'ai participé hier à la fête de la musique. J'ai rencontré des groupes qui font de la musique comment ? On fait de la musique baroque, du rock de bas niveau, donc là on est plutôt dans le baroque. Voilà, c'était la fête de la blagounette aussi. Exactement. Et à 17h40, celle qui parfois daigne me sourire à la fin de mes lancements, quand il lui reste un brin de compassion pour mon idylle unidirectionnelle. Bonjour Clara Dupont-Menot. Unidirectionnelle. Vous avez pas fait de la musique comme les autres ou vous avez un autre sujet? C'était l'horreur, bien sûr, c'est atroce. On va parler de la Syrie, avec un petit texte exhumé de 1926 et qui est d'une brûlante actualité, comme dirait une quatrième de couve. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un référent de la République. Vous êtes né sous De Gaulle, vous êtes engagé à l'usine continentale de Clairoy en 88, c'est l'année où Renaud sort son album « Putain de camion ». Vous tenez votre premier rôle au cinéma dans « Ma part du gâteau » de Cédric Clapiche en 2011, quand l'Espagne emporte la Coupe du Monde de pâtisserie. Vous montez les marches à Cannes avec Vincent Lindon pour la loi du marché cette année quand Arnaud Montebourg, tel Cincinnatus, se fait embaucher chez Habitat. Et donc, vous êtes... Qui êtes-vous ? Mais qui êtes-vous ? Il faut le qui dire. Là, il faut que je le dise. Voilà. Xavier Mathieu. Oui. Ah, bon. C'est Xavier Mathieu. Mais oui, fort en lui-même. Sur France Inter, Chaillou Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. J'ai eu peur que vous ne soyez pas reconnu dans ce portrait. Xavier Mathieu est avec nous aujourd'hui. Vous jouez dans La loi du marché de Stéphane Brisé, qui était en salle depuis le 19 mai. Alors, je suis allée le voir hier soir. Je vais vous dire qu'à Paris, le meilleur soir pour aller au cinéma, c'est le soir de la fête de la musique. Oui. C'est peinard. Alors Xavier Mathieu, La loi du marché, c'est un film dont on a énormément parlé bien sûr, qui touche au réalisme le plus pur et justement vous jouez le rôle d'un syndicaliste. Donc vraiment Stéphane Brisé a voulu jouer la carte du réalisme le plus pur en prenant des gens qui sont pas forcément des acteurs professionnels, mais vous êtes quasiment ou semi-professionnel, on peut dire. Comment vous vous qualifiez maintenant? C'est bien rattrapé, t'as vu. Elle a vu que ma main commençait à partir. Bon. Non, mais moi, je suis rentré dans ce métier en 2010. J'ai découvert un métier très passionnant, mais en même temps très très précaire, très voilà. Et donc, vous faisiez quoi avant? Avant, j'étais. Excusez, c'est Clara Dupont-Mono. Parce qu'elle ne suit pas l'actualité depuis à peu près 14 ans. Sérieux, on coupera au montage, hein, Clara, à 17h13. C'est la réponse de l'auditeur moyen qui pourrait plus poser cette question. Absolument. Et là, il y a la deuxième main qui va partir. Donc, j'ai travaillé dans une usine pendant 23 ans. Et avant encore, j'ai travaillé dans la boucherie dès l'âge de 15 ans. Voilà. Xavier Mathieu est une figure du syndicalisme en France. C'est le fameux syndicaliste des Contis. Je ne sais pas si vous avez vu aussi ce documentaire sur les Contis. Ah bah voilà. Mais on n'en parle pas aux universités d'été du MEDEF, c'est pour ça. Que là, c'est ça. Non, oui, le syndicalisme est un monde éloigné. Et Xavier Mathieu s'est brillamment reconverti dans le cinéma. Et donc, on peut vous voir donc dans La loi du marché. Est-ce qu'il y a une frange de la population? Je me suis posé cette question. Type les critiques de cinéma ou les gens qui vont à Cannes, qui ont découvert cette frange de la réalité que décrit le film La loi du marché. Parce que tout le monde a l'air fasciné par notamment la première scène à Pôle emploi avec Vincent Lindon, etc. Or, c'est la réalité la plus banale, on dirait une caméra cachée, mais apparemment ça ébranle des gens qui s'imaginent que ça n'existe pas, voire Laurence Parisot qui s'imagine que c'est exagéré. Comment vous réagissez à ça? Bah ouais, Laurence Parisot, ouais. Enfin, on va parler de choses sérieuses. Vous n'avez plus de main. On va parler de premières sympathies, on va parler de gens sérieux. Non, bah, bien entendu que c'est un parcours... Moi je pense que c'est bien parce que... Il y a des gens qui s'imaginent, même en politique, je parle souvent de Wauquiez parce que c'est rien que de dire le nom, j'ai envie de vomir, ou j'ai entendu pendant très longtemps parler de gens assistés, des profiteurs et tout. Et de cancer, de cancer de l'assistana. Bah ouais. Et lui, c'est le cancer de la connerie, mais bon. Non, et donc, parler justement d'assistana et de. C'est un parcours qui est réel, qui est habituel. Moi, il y a des gens qui disent oui, c'est exagéré, c'est que des clichés. Non, pas vraiment, non. Moi, j'ai même connu bien pire que ça. Et voilà, c'est un parcours d'un homme digne. Certains disent qu'il se bat pas dans le film. Moi, je trouve que déjà, quand on se fait virer, quand on passe 25 ans dans une entreprise et qu'on se fait jeter comme ça, c'est déjà une énorme dignité. C'est déjà resté la plus grande forme de courage. C'est déjà de rester debout, de se battre pour garder son couple, pour garder sa maison, pour se battre pour élever ses enfants. Il se bat dans sa droiture, bien en sûr, fait. Bien sûr. Il reste digne, droit, il essaye par tous les moyens de continuer à faire vivre sa famille et tout. Déjà, c'est déjà pas mal parce que nous, dans notre conflit des Contis, j'ai vu des gens s'écrouler, j'ai vu des gens tomber dans l'alcool, dans la drogue, dans plein de merde comme ça. Et voilà, je trouve que c'est déjà digne de rester debout comme ça. Et surtout après des cataclysmes, des ouragans qui nous arrivent quand vous avez donné toute votre vie pour une entreprise... et qu'on vous fout dehors comme une merde comme ça, et après quand on se retrouve à supporter tous les humiliations, parce que les gens de Pôle emploi là-dedans, moi j'insiste quand même à dire que il y en a qui disent oui on attaque Pôle emploi dans ce film, on attaque Pôle emploi, je pense que Pôle emploi il est aujourd'hui ce que l'État en a fait, de tous les services publics d'ailleurs, et on a réduit les gens pour chaque personne, des gens qui se retrouvent avec 500 personnes à s'occuper, ils peuvent pas s'occuper correctement. C'est pareil dans les hôpitaux, les infirmières, ils ont des tas de patients à s'occuper, ils ont plus le temps de s'en occuper correctement, et c'est pas sur les infirmières qu'il faut taper, c'est justement sur ceux qui détruisent tous les services publics. Je pense que c'est vachement important, c'est un combat pour la dignité, je pense que c'est le but de sa vie, à la fin de sa vie, c'est de pouvoir se regarder dans une glace et de se dire, voilà, chapeau, voilà. On vous sent à fleur de peau quand vous parlez de ces sujets-là. Moi, j'avais une question par rapport à votre travail d'acteur. Comment vous abordez ce rôle qui est quand même hyper proche de vous, et c'est pour ça qu'on vous a choisi? Est-ce que vous jouez ou est-ce que vous allez rechercher dans ces sentiments que vous avez connus? Bah, les deux, en fait. Parce que bon, bien sûr qu'on a, on a pas de scénario, il nous a pas donné de scénario. Il y a un scénar qui était écrit, qu'on n'a pas vu, mais il nous a dicté dans le démarrage de la scène, comment elle devait se démarrer, dans quel endroit on devait se diriger, et vers quelle fin. C'est une scène avec Vincent Lindon, ouais, ouais. Où vous jouez justement ouais. Un syndicaliste, et vous essayez de persuader Vincent Lindon de se retourner contre l'employeur. Voilà, donc ce que j'ai fait déjà pendant la lutte des Conti, il a fallu motiver les gens pour continuer, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent abandonner, qui veulent arrêter, qui en ont marre, qui disent « passer à autre chose ». Passer à autre chose, c'est quoi quand on a toujours pas de boulot? Je pense que la meilleure façon de passer à autre chose, c'est d'aller au bout des choses. Moi, je suis un extrémiste de toute façon, donc et on a eu cette discussion plutôt, avec les gens. Ouais. Ouais, enfin, on appelle ça radical, mais je pense que c'est simplement être intègre et aller au bout des choses. On appelle ça. Je suis pas intégriste, je suis aussi peut-être, okay. Mais même ce mot me dérange pas. En fait. Orthodoxe aussi, Clara Dupont. Il y a eu des critiques sur le choix de Cannes. Alors pas sur le film, mais sur le fait, on a beaucoup entendu sur le fait que c'était finalement une caste de gens très riches, très déconnectés du réel, et qui s'achetaient en quelque sorte une bonne conscience parce qu'elle récompensait des films qui justement parlaient de la vraie vie, précisément parce qu'ils n'y seraient pas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique? Moi, je suis pas d'accord. Enfin, je pense que dans la salle, sur les 2500 personnes qu'il y a, c'est loin d'avoir que des gens bourrés de pognon. Il y a plein de gens, des amoureux du cinéma, des gens qui travaillent pour les salles, des gens qui, des distributeurs, des gens qui travaillent pour le cinéma. Et moi, je pense que c'est bien qu'ils aient. Puis même, peu importe leur intention, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'importe, c'est que ce film, grâce à Cannes, il a été vu déjà par 800 000 personnes. Et voilà, l'important, c'est ça, que les raisons pour lesquelles les gens l'ont mis à Cannes, j'en ai strictement rien à foutre. L'important, c'est qu'il y soit et qu'il soit vu par plein de gens, quoi. Voilà. C'est aussi un outil du capitalisme que, grâce à ce capitalisme, ils mettent en avant ce film qui le dénonce. Donc ouais, pourquoi ouais, pas bah en profiter? Bah, de toute façon, la vie est pleine de paradoxes. On en est tous. Et puis, on est tous, je pense qu'on est des êtres humains et on vit avec nos complexités, avec nos paradoxes, tous autant qu'on est. Et voilà. Moi aussi, on m'a posé la question. T'es monté les marches de Cannes. Voilà, j'ai monté les marches de Cannes. J'ai hésité avant d'y aller, et puis au bout du compte, je suis content. Déjà, il y a trois couleurs qui me plaisent bien, le noir, le rouge et le blanc. Donc, et vous pouvez vous regarder non seulement dans le miroir, mais aussi au cinéma, du coup. C'est l'histoire de Xavier Mathieu, qu'on peut voir dans La loi du marché de Stéphane Brisé. Allez-y, allez voir à quoi ça ressemble, hein, un Pôle emploi. La vraie vie, quoi. I'm coming. Sam & Dave, Soul Man, chanson qui date de 67. Vous êtes sur France Inter et autour de cette table, Alex Vizorek, outre bien sûr notre invité Xavier Mathieu qui est avec nous jusqu'à 18h. Il y a la brillante Clara Dupont-Monod, l'excellent Guillaume Meurice et le jinglesque Thomas VDB qui a répété dans le bureau, ça va être du lourd. Et c'est le moment où l'on vous informe. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et hier, c'était donc la fête de la musique. Oui, et d'ailleurs, François Hollande a déclaré, je cite, « La fête de la musique, c'est la musique pour tous, c'est la musique par tous. » Oh, c'est beau, hier, c'était également la fête des pères. Oui, d'ailleurs, Rachida Dati a déclaré, je cite, « La fête des pères, c'est des pères pour tous et des pères par tous. » Une info du Parisien aujourd'hui en France, Julien Drey revient aux affaires. Exact, il s'est vu confier par Jean-Christophe Cambadélis la mission d'unifier les partis de gauche. Ah, en gros, il revient pour mettre les pendules à l'heure. Et Dieu sait s'il s'y connaît en matière d'horlogerie. Voilà. Passons à un petit quiz politique, vous savez que j'adore. Je sais bien que vous adorez ça, petit quiz. Alors, vous allez devoir reconnaître celui qui complimente le ministre français des Affaires étrangères. Vous pouvez tous jouer. C'était lors d'une conférence climat en Inde. Écoutez, ça va vite. Fabius, he's fabulous. Fabius Terminator. Is fabulous. Un point pour notre ami Guillaume Meurice. C'est Arnold Schwarzenegger qui trouve Fabius fabulous. D'accord. Et petite virée en Belgique, Alex. Oui, il a enfin été décidé de la construction d'un grand stade à Bruxelles et ça s'est fait pour la plus grande joie d'Alain Courtois, qui est un député de droite. Et au sortir d'une conférence de presse, il était énervé parce que des journalistes trouvent que ce stade a coûté trop cher. Alors écoutez la gouaille bruxelloise dans toute sa splendeur. C'est guéguerre locale. Hein. Est-ce que ces gens, au niveau local, on n'est même pas capable d'avoir un stade dans la capitale de l'Europe. C'est ça que dit Platini. Il me dit, et ton stade? Mais je dis, je n'en ai pas. Maintenant, on va en avoir un. Voilà. Moi, j'en ai ras-le-bol des gens qui sont négatifs permanents. Et gna gna gna, et gna gna gna, et les yaka, et les yapa. Ça suffit maintenant. Hein. Voilà. Et donc, sans doute que quand Platini lui a demandé s'il était blanc dans l'affaire FIFA, il lui a répondu, et gna gna gna, et gna gna gna. Et on termine par le showbiz. Oui. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Stromae a dû annuler toute sa tournée africaine. Oui, pour des raisons de santé restées un petit peu obscures. D'ailleurs, un habitant de Kinshasa a même fait une chanson en hommage à Paul Van Avereux, alias Stromae. Dites-moi s'il vient, enfin je saurai si j'y vais. La rumeur dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il va très bientôt arriver. La rumeur dit traverser c'est bien, bien mieux que ne pas débarquer. Pas vrai, où es-tu Polo? Voilà, Kinshasa attend donc Stromae avec grande impatience. Et Alex Vizorek, on pourra vous retrouver Guillaume Meurice dès jeudi. On va faire la fête à la salle Gaveau. Mais oui. Le 25 juin, à nous deux. On donne des places sur Facebook et cette semaine, trois jours, on donne trois fois des places. Vu qu'il n'y a personne qui vient, ils distribuent les places. Il en reste, mais il y en a beaucoup qui sont partis. À notre grande surprise. On va en donner déjà. Alors, on pose chaque fois une question parce que les gens doivent être créatifs. Oui. Alors, la dernière question, c'était mais que va faire Manuel Valls avec le Falcon la prochaine fois? Et Anne-Caroline Mathieu nous répond le prochain voyage, ce sera pour aller à l'agence de voyage rembourser les billets de ses fils. Je trouvais ça bien. C'est deux classe. Places pour elle et deux places pour d'autres personnes, je le mettrai sur Facebook. Et la question du jour, Guillaume ne l'a pas donnée, je pense c'est qu'elle défi. Est drôle. C'est un défi. Alors... écrivez deux alexandrins qui permettront à coup sûr à Alex Vizorek de pécho Clara Dupont-Monod. Ouh, bonne idée. À votre inspiration. Voilà, sinon venez, si vous êtes à Paris, salle Gaveau, jeudi soir. À quelle heure? 20h30. Nous y serons. Premier sujet avec vous, Xavier Mathieu, la Grèce. La Grèce s'approche de l'ultimatum. C'est la dernière réunion de la dernière chance. Soit le 26e jour J, à moins que ce ne soit le 32e jour J ou le 42e jour J, on ne sait plus. Bref, si Tsipras n'obtempère pas, c'est toute l'Europe qui pédale dans le tarama. Il n'y a même pas 2000 là, mec. T'en dois 10. Dans deux semaines, j'aurai tout. Mais l'échéance sera dépassée dans deux semaines. On pourrait peut-être négocier. J'ai un nouveau boulot. File-moi une majoration, si tu veux. Tu me pousses dans mes retranchements, là. Si tu me règles pas, ça va chier. Un extrait de La Dette, le film. Ben oui. Cette fois, c'est décisif. Et c'est Pierre Moscovici qui l'a dit, alors Takawa. Hein. Je veux dire, waouh. Donc la Grèce, comme on vient de l'entendre dans l'extrait qui décale le sujet, la Grèce, ben, c'est un peu Jean-Michel, Gérard, monsieur tout le monde qui parvient pas à rembourser ses dettes. Ça fait aussi penser aux syndicalistes qui essayent d'arracher un accord au prix d'énormément d'énergie, de nuits passées avec les patrons, etc. Est-ce que dans cette histoire de la Grèce et de l'Europe, l'humain peut s'identifier à un pays? Est-ce que vous sentez dans vos tripes le côté la Grèce qui essaye d'arracher et des délais et de se sauver et de sortir la tête de l'eau et de sortir tous les gens de la noyade, quoi? Est-ce qu'il y a ce côté humain dans, dans ouais, le pays ? Puis on espère, je pense que tous les gens de gauche, hein. La vraie gauche. Ouais. Je pense, regarde la Grèce et son tout cœur avec Tsipras et espère qu'il va tenir tête parce que je pense que pour tous les économistes, les banques du monde entier, je pense que justement la Grèce, il faut que ça soit un exemple justement ne pas les laisser ne pas payer leurs dettes. En fait, on sait tous que la dette grecque, d'où elle vient surtout de tous les armateurs et tous les grandes entreprises grecques qui ont comme sport favori l'exode fiscal. Et donc voilà, on sait toujours que c'est toujours aux petits qu'on s'attaque. D'ailleurs, les banques s'attaquent toujours aux petits et c'est toujours. D'ailleurs, on sait que les banques, ils ont combien 8%, on leur prête à 8, 9, 10%. C'est toujours aux petits sur lequel on gagne le plus d'argent. Et parce qu'ils sont plus nombreux. C'est très bien que dans les banques, les petites gens, ceux sur lesquels les banques gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui ne payent pas et qui ont des découverts à la banque. Les agios, c'est 10, 12, 15, 17%. Et je pense que les banques gagnent plus d'argent sur ceux qui n'ont pas d'argent que ceux qui en ont, de toute façon, eux qui, à qui on prête pour rien. Vous dites que la Grèce ne doit pas payer du tout. Non, c'est même pas certainement qu'ils aillent tous se faire foutre. De toute façon, que les banques qu'on fasse condition. Non, mais les banques, on les a aidées en 2009. Même en France, par exemple, on a aidé les banques en 2009. Qu'est-ce qu'elles ont fait de cet argent? L'État français a aidé les banques en période de crise, là où il y a eu des fermetures d'usines, tout ça. Les banques auraient dû faire quoi avec cet argent? Elles auraient dû aider les petites gens à pouvoir garder leur maison, même les petites entreprises à pouvoir réinvestir. Si elles étaient philanthropes, ça se saurait. Elles l'ont pas fait. Donc pour moi, que les banques crèvent, comme ils ont fait en Islande, qu'on donne la possibilité au peuple de voter, qu'on fasse crever les banques, toutes celles qui ont magouillé, qu'elles crèvent, et même qu'on foute en taule les patrons de banques, comme ils ont fait en Islande, ceux qui ont magouillé, point. Et la sortie de l'euro, qu'est-ce que vous en pensez quand le scénario est évoqué? J'ai aucun avis. Mais si les banques tombent, c'est des emplois, beaucoup d'emplois aussi qui tombent. Ouais, puis peut-être que c'est beaucoup d'argent de récupérer. Donc, j'essaie d'amener un débat contradictoire. Réunion de ce soir sera donc décisive. Les propositions de réforme de Tsipras, ça a l'air plutôt positif pour l'instant, mais évidemment, c'est un feuilleton, c'est un vrai feuilleton qu'on suit à distance de façon tout à fait impuissante, mais en se sentant un peu lié et en s'identifiant à ce pays et à Tsipras qui est un petit peu contre les moulins à vent. Même si justement, il faut quand même se rappeler que, alors c'est un exemple, hein, l'Espagne et la Grèce dans leur cas de révolte. Sauf qu'il faut quand même se rappeler que c'est ces deux pays qui sont passés par le fascisme. J'espère qu'on fera pas les mêmes erreurs et qu'on attendra, qu'on se révoltera comme eux, mais qu'on n'attendra pas que la bête humaine arrive là où le Parti Socialiste sont en train de les emmener tout droit et tranquille en 2017 ou un peu plus tard, malheureusement. Et en parlant de révolte, à cette heure-ci, Xavier Mathieu, c'est la révolte du jingle. C'est de l'actualisique, c'est un mélange d'actualité et de musique, c'est la rubrique de Thomas Bélévé. Mais si tu prends deux fois plus d'actualité et de musique, ça te fait une double dose d'actualité. C'est une rubrique vraiment magnifique, l'actualisique, mais le générique est très très long, tu peux baisser le son. Il est tout rouge, oh, il respire plus. Oh, c'est ce moment est passé. Je peux dire, c'était déjà plusieurs heures, voilà. J'étais en haut, t'étais en concentration. Ça fait un petit peu de droit SACEM pour Michel. Ça fait des droits SACEM, évidemment, on ne va pas les déclarer car j'ai chanté d'autres paroles dessus. Alors, comme vous le savez et comme vous venez de le constater, eh bien, hier, c'était le 21 juin, c'était la fête de l'actualisique. On avait donc trois fois plus de raisons que d'habitude de faire la fête parce que d'abord, c'était, comme je disais, la fête de la musique. Et ça, c'est génial, la fête de la musique parce que, par exemple, moi, depuis chez moi, bah, rien qu'en ouvrant la fenêtre, bah, je pouvais voir une scène au bout de la rue sur laquelle il y avait quatre jeunes qui faisaient des reprises. Et je peux vous dire que ça envoyait. Ça, c'est vraiment toi. Ça, c'est vraiment toi. Je vais me balader 400 mètres plus loin. Il y avait une autre scène avec un autre groupe. Rien à voir, là, c'était deux gars et une fille. Les gars venaient terminer un morceau et le chanteur prend la parole. Il dit, bon, maintenant, on va vous jouer une petite reprise. Un jour, j'irai à New York avec toi. Toutes les nuits, les collègues. Voilà. Donc, c'est les groupes que tu leur dis, c'est quoi votre répertoire? Ils disent, on est plus dans l'univers du répertoire téléphonique. Ah, du coup, voilà, je suis resté, je suis remonté chez moi et j'ai lu l'annuaire. Voilà. Mais hier, c'était donc aussi la fête des pères. Donc, une autre raison de faire la fête, c'est fou d'imaginer que dans toutes les demeures, eh ben, c'était la fête pour tous les papas. Et ça a dû bien rigoler. Je pense, par exemple, je sais pas, peut-être chez les Le Pen. Ça devait être super, la fête des pères. Hein, voilà. Bonne fête, papa. Merci Marie. Voilà, on a dû bien rigoler. Voilà, il y a des maisons peut-être où c'était plus la fête, mais bon. Et puis hier, on fêtait aussi évidemment l'arrivée de l'été. Bien sûr. Hein, voilà, je sais pas comment on fêtait l'été, j'ai pas de blague là-dessus, mais on fêtait l'arrivée de l'été. En tout cas, moi, j'avais prévu aujourd'hui, du coup, de faire une rubrique actualisique entièrement sur la fête de la musique. Et puis, la récente actualité m'a obligé à changer eh bien, mon fusil d'épaule. Je vous apprends pas que ce week-end, on a perdu un des très grands de la chanson française. Non pas un chanteur, mais un parolier. Je pense bien évidemment à Pierre-Paul Pouchet. Pierre-Paul Pouchet, voilà, évidemment, qui avait écrit pour tous les plus grands de la chanson de chez nous, que ce soit Bernard Trochu, Pierre Lavelle, Jean-Pierre Plutard. Voilà, ils ont tous chanté les chansons de Pierre-Paul Pouchet. Alors, c'est un peu au déboté, du coup, que j'ai décidé aujourd'hui de profiter de ce petit passage à l'antenne pour raviver quelques-unes des mélodies les plus célèbres, des plus beaux textes de Pierre-Paul Pouchet. Surtout que les gens aujourd'hui, je m'en suis rendu compte, se souviennent, eh bien, malheureusement, bien souvent de ses refrains. Ah, c'est mal. Hein, mais jamais découplés de ses chansons. C'est injuste. Et je voulais justement, eh bien, raviver quelques-unes des mélodies de Pierre-Paul Pouchet. Je pense notamment à cette chanson qui faisait, le linge sale se lavant en famille, ce genre de choses ne se dit pas. Tu laves ton linge comme tu t'habilles, alors avant tout, n'oublie pas. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Voilà, comme je disais, on se souvient surtout des refrains, mais on avait pas mal oublié les couplets. Je pense aussi à cette chanson incroyable qu'il avait écrite à l'époque pour un groupe swing en 95, je crois, qui faisait comme ça, je garais ma Mustang dans un parking de Paris, et les voyous ont flingué ma carrosserie, j'ai le carbu en vrac, on m'a piqué mon cric, bébé, si tu veux prendre la route, je te le dis, ouais, va donc chez Speedy, Speedy. Voilà, celle-là, c'est pareil, je me souviens, très bien, très bien du refrain. Mais on avait complètement oublié, les couplets des chansons de Pierre Paul. Enfin, je vais terminer avec cette chanson qu'à l'époque il avait écrit pour un groupe de reggae. C'est lui à l'époque d'ailleurs qui avait expliqué, qui nous avait expliqué l'origine de l'expression reggae, qui disait Yes I. Hein, c'est lui d'ailleurs qui nous avait expliqué que ça ne voulait rien dire du tout. Et je pense donc à ce redim comme ça qu'il avait écrit pour un groupe de reggae qui faisait dans la vie, faut pas se faire de soucis, faut rester zen pour éviter les problèmes. Si t'as chaud, enlève ton pull, si t'as froid, va mettre un chandail, roule-toi un joint de spliff et prie Rastafari. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Voilà, donc ça c'est pour Pierre-Paul, où que tu sois, on pense à toi. C'est lui l'artiste. Pardon. Qu'est-ce que c'est? C'était Xavier Mathieu, jusqu'à 18h. Il y avait des couplets, mais c'est dingue. Xavier Mathieu, vous saviez qu'il y avait des couplets à ces trucs-là? J'ai retrouvé des couplets. Ah, mais c'est incroyable. Ouais. Ah, bah, écoute, ouais, mais voilà. Ça bosse pour l'actualité. C'est vrai qu'il y a. La Lina est complètement dépassée. Je ne sais pas comment on va faire un été sans actualité. Bon, Xavier Mathieu, restez avec nous jusqu'à 18h. On va reprendre notre souffle avec Synapson et Anakova. Voilà, on ne sait pas s'ils ont fait de la pub, tout ça, mais. C'est surtout bonne chance. I talk for a reason, sing for a reason, some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason, look around, there ain't much time to say what you wanna say, do what you wanna do, live your life all the way, hey. Stop losing. up the rise and see. Oh my God, I got that on the table. Break just to play the game. No quit, open up your eyes and see that all is to be made. Si Nelson et Anna Kova, notre invité Xavier Mathieu se rend compte que Clara Dupont-Moneau est parisienne, ouais, mais vous prenez le métro, Clara ? Tout le temps. Tout le temps. Voilà. C'est vrai, en plus, le métro, ouais, il travaille. Voilà. Mais là, non, parce qu'il devait aller voir à Creil, HK jouait en concert et il n'a pas pu, sa voiture était tombée en panne. Voilà. Voilà. Raconter sa vie, hein, ça. Ouais, ouais, et elle m'a demandé pourquoi je ne suis pas allé en métro. J'ai été obligé de lui expliquer que Creil, c'était à peu près 50 km de Paris et que le métro n'allait pas jusqu'à Creil. Non, c'est pas vrai, mais ça me fait bien rire de le dire. Parce que voilà, elle m'a envoyé une fusée tout à l'heure. Clara Dupont-Moneau s'y rend en calèche. En calèche. Ou en chaise à bande. Effectivement. Il est 17h39 sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Xavier Mathieu, que vous pouvez voir dans La Loi du marché de Stéphane Brisé, en salle depuis le 19 mai, et que vous pourrez voir bientôt dans d'autres films au cinéma, car vous tournez, Xavier Mathieu. Vous poursuivez votre carrière au cinéma. Et il poursuit sa carrière dans sa reconversion, lui, journalistique. Je vous le présente, c'est Guillaume Meurice. Je pense que vous allez bien vous entendre. Oui, et bien écoutez, Charline, hier c'était donc le 21 juin, le jour le plus long de l'année, surtout pour ceux qui aiment vraiment la musique. Victor Hugo a dit « la musique c'est du bruit qui pense », et ben on voit tout de suite qu'il a jamais connu la fête de la musique, sinon il aurait dit « la musique c'est du bruit qui boit ». Et oui, passé 22h, tout le monde est bourré comme une urne un soir d'élection à l'UMP. L'alcool, c'était d'ailleurs l'objet de ma première question à cette chanteuse d'un groupe de rock. Bon, vous êtes prêt quand même à jouer devant des gens complètement bourrés qui vous vomissent sur les pieds ? Ouais, bah en fait c'est ça qui est sympa quoi, c'est justement l'ambiance de la fête de la musique, c'est royal. L'année dernière on l'a fait, c'était au Luxembourg et c'était cool. Mais oui, c'est hyper cool de se faire vomir sur les pieds. À la fête de la musique, pisser dans un violon, ce n'est pas une expression, c'est une réalité. On pourrait d'ailleurs ajouter roter dans une trompette et vomir dans une caisse claire. En tout cas, ça la dérangeait pas cette chanteuse, on voit qu'elle était rodée. Depuis combien de temps fait-elle la fête avec son groupe ? Ça fait en gros on a changé les membres, mais en gros ça fait une petite dizaine d'années quoi. Ah, mais il n'y a plus aucun membre de l'équipe de départ. Voilà, sauf moi. Alors ça veut dire que vous êtes insupportable si les autres ils se barrent à chaque fois. Comment dire, ça m'est arrivé de virer des gens, allez, je suis pas une meuf sympa. Voilà, vous l'avez sans doute reconnu, Laurence Parisot et son groupe Code du Travail. Alors il y a quand même des gens plus doux à la fête de la musique, hein, plus calmes, notamment un petit groupe sympathique qui jouait du jazz et ils étaient très contents d'être là. Je pense que ça va être super, en plus on partage tous les styles de musique, donc là on a du rockabilly à côté là. Ah ben vous avez du rockabilly surtout à 1m50, comment vous allez faire? Mais bon, ça fait rien, je pense qu'on va s'accorder. Et puis de l'autre côté, vous avez du métal. Où ? Sérieusement ? Non, sur la place, là. Là-bas ? Ouais. Ah, il faut pour les jeunes, il faut pour tous les goûts, hein. C'est ça la fête de la musique. Ah, mais on va pas vous entendre, du coup. Non, ça va bien se passer, vous allez voir. Ouais, bah j'ai vu, mais j'ai rien entendu du tout. C'est sûr qu'entre Wabdou Wab sur la gauche et Gloire à toi, Satan ! Sur la droite, c'était difficile de s'imposer. Parce que la fête de la musique à Paris, hein, tous les groupes jouent côte à côte, ce qui donne d'ailleurs des mix bizarres dans les oreilles, du George Michael Jackson, par exemple, hein, du Metallica Brel, ou encore du Paul McCartney né chéri. Et en même temps, c'est très novateur, c'est très moderne. Et puisqu'on parle de moderne, rencontre avec un autre groupe. On essaie de faire des choses un peu nouvelles, disons 2014-2015, parce que si c'est trop ancien, faut... Alors par exemple, là je vois Elvis Presley, ça c'est moderne. Non mais non, disons que voilà, c'est pour toucher le maximum de monde. Police, voilà, moderne. Ça c'est quand même Madonna. Bon allez, arrêtez, on a compris. Madonna, Police, Elvis Presley, c'est moderne. Vous avez sans doute reconnu Éric Zemmour et son groupe C'était mieux avant. Puisqu'on parle modernisme, il y avait aussi un chanteur avec un instrument un peu particulier. Alors vous voyez, là il y a un morceau de tôle que j'ai plié entre des tubes et qui fait ce bruit-là. Oh là là. Et là, ah oui, c'est très désagréable. Oui, mais ça rythme bien. La la la la la la la la la. Ouais, alors ça rythme bien, mais ça fait quand même du bien quand ça s'arrête. Hein, c'est ce genre d'instrument qui te fait te rappeler que dans la musique, le plus important, ce sont les silences. Hein. Et ça serait dommage qu'on en vienne à lui faire bouffer son bout de tôle par les oreilles. Et ce serait vraiment dommage parce qu'avec ce bout de tôle, on peut faire des chansons modernes. Chirac se baigne dedans la rivière sale, dedans la rivière sale, dedans la rivière sale. Et Chirac se baigne dedans la rivière sale, Chirac s'y baigne à poil. Bernadette lui avait dit, montrez pas votre zizi, voyons, vous savez que c'est défendu. Maintenant que la France sait que je suis complètement youpi, plus rien ne m'est interdit. Et voilà, et je vais vous dire, Thomas, vous êtes mal barré. Hein, s'il se met à la compo de jingle, le gars, c'est foutu pour vous. Voilà, mais c'est ce sont ces gens qui nous empêchent de dormir hier soir. C'est eux, c'est pour, précisément c'est lui, à mon avis. Hein, vous avez reconnu donc, hein, le chanteur Nicolas Sarkozy et son groupe Bismuth and the Wailers. Mais en réalité, ils s'appellent les Papifous. Ils sont extrêmement sympathiques et ils portent très bien leur nom. D'ailleurs, le nom d'un groupe, c'est très important. Allons en voir un autre qui s'appelait... A Spherical Matter. Et ça veut dire quoi ? Matière sphérique, en fait, en anglais. Et pourquoi il s'appelle comme ça ? Parce qu'on trouvait ça drôle et qu'il est très long comme nom. Et souvent, les noms plus longs, c'est les plus durs à retenir. Mais, donc c'est du marketing, vous vous êtes dit, c'est hyper long à retenir, personne ne va retenir, donc c'est bien, on ne rendra pas d'album. Exactement. Et ben voilà, un groupe intelligent, un groupe qui anticipe. Avec la crise du disque, les festivals qui s'annulent faute de subventions, la prochaine réforme du régime des intermittents, il va falloir s'habituer à jouer gratos. Avec le système d'économie libérale, malheureusement, on connaît la musique. Merci Guillaume Muris. Nous sommes en compagnie de Xavier Mathieu jusqu'à 18h. Qu'on peut voir dans La Loi du marché de Stéphane Brisé, qui est en salle en ce moment. Et tout de suite, avec vous, le sujet 2. Christiane Taubira affirme sa différence de point de vue au sein du gouvernement sur la politique d'accueil des migrants ou sur la loi Macron. Taubira, c'est la dangereuse gauchiste sur la route libérale de Valls. Voici ce qu'en pense le Premier ministre. C'est pas parce que tu as la voix qui porte que c'est toi qui as raison. Moi aussi, j'ai la voix qui porte. Moi aussi, je peux gueuler et beaucoup plus fort que toi. Tu es là depuis une heure à m'expliquer ce qui est bien, ce qui est mal. T'as toujours les bons réflexes, les bonnes réactions, les bonnes opinions. C'est chiant ! À chaque fois que tu ouvres la bouche, on entend l'évangile. Daniel Auteuil dans 9 femmes. Alors il y a une page dans l'Huma aujourd'hui qui rappelle que Christiane Taubira a quand même une voix dissonante et dit « Je rêve d'un monde où l'on pourrait travailler 32 heures par semaine ». Là évidemment Pierre Gattaz fait une attaque. Mais enfin évidemment que tout le monde rêve de travailler 32 heures par semaine pour pouvoir se consacrer à autre chose. Elle vous fait du bien Christiane Taubira dans son côté Astérix ou frondeuse parmi les ministres sociaux-démocrates ou plutôt libéraux? Ouais, elle me ferait du bien si c'était pas la seule, mais ouais. Bon, après, on peut quand même se poser la question. Arrive un moment, est-ce qu'on peut, quand on a vraiment, on est vraiment quelqu'un de bien et qu'on a vraiment des idées de gauche, est-ce qu'on peut rester dans un gouvernement pareil? Je crois que, arrive un moment, faut arrêter de... Alors, elle menace, quelqu'un d'honnête, elle menace de démissionner. C'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, mais arrive un moment, faut, bon, en général, quand ça commence à taper comme ça, c'est comme Montebourg, elle va pas tarder à partir, à mon avis, elle prépare sa sortie. Comme Philippe Etty, Montebourg, voilà, Hamon. Voilà. Justement, alors, j'ai un souvenir dans les couloirs de France Inter où vous étiez invité chez Pascal Clark et Arnaud Montebourg était invité dans la matinale de Patrick Cohen. Vous le saluez, alors, il doit bien vous connaître. Vous êtes quand même le syndicaliste, la figure de proue des Conti. Il a travaillé avec vous, etc. Et dans le couloir, il vous remet pas. Il vous confond avec quelqu'un d'autre. Mais plusieurs fois. Et plusieurs fois. Et cette scène est quand même incroyable. Une semaine après, il m'a toujours pas reconnu. Ministre de l'Industrie, du redressement productif, mais de l'industrie à l'époque. Ouais, mais alors, ça, quand vous le croisez, qu'il vous confond, il vous remet pas, alors quand même, il est censé travailler avec vous, etc., qu'est-ce que ça vous a. Ça nous a fait toute chose. C'était assez comique. Et je le retrouve 15 jours après dans d'autres studios. Et justement, il a voulu faire le mec, il se rappelait, il fait bonjour, alors, comment vont les Florange? Encore raté, mon grand. Mais c'est quand même incroyable. Donc, c'est-à-dire que vous êtes interchangeable, il vous reconnaît pas, il travaille avec vous, il est censé sauver les entreprises ou trouver des solutions et il peut pas reconnaître un Martin de chez Florange, un Xavier Mathieu chez Conti. Il était surtout là pour sauver lui. Il a même pas réussi à sauver lui-même. Donc, je pense que c'est un peu compliqué. Mais quoi, il est centriste sur lui-même On n'a pas eu l'info. Ça nous fait un coup. Ça nous fait un coup. En tout cas, voilà. Donc, Christiane Taubira menace, en tout cas, de façon, bon, pas aussi les pieds dans le plat que Montebourg. Hein, c'est pas un jeu de rôle. Les comptes. Oui, mais alors, donc, elle explique que si le gouvernement n'est pas prêt à se soucier de sa réforme sur la justice des mineurs, qu'elle partira. Si le gouvernement ne passe pas sa réforme, est-ce que ça ne veut pas dire que Christiane Taubira n'est finalement qu'un symbole et qu'elle est là pour la couleur dans tous les sens du terme au gouvernement, c'est-à-dire le marqueur de gauche. Bon, il n'y a plus de couleur. Hein. Enfin, ce gouvernement, il a même plus la couleur rose. Enfin, il est libéral, quoi. Maintenant, il y a plus. Et là, en ce moment, il y a même l'UMP, j'allais dire, les Républicains qui essaye de trouver une critique possible, mais la seule chose qu'ils ont, les Républicains, c'est qu'ils sont tous dans leur coin à se taper dessus en se disant mais pourquoi on l'a pas fait. Ils rêvent d'avoir fait passer toutes les lois, la NIF, enfin toutes les merdes, la loi Macron qui sort aujourd'hui, la loi Macron, c'est la plus grosse attaque du code du travail depuis l'existence du code du travail. Je crois que n'importe avec un petit 49-3, c'est réglé. Voilà. Non, voilà. Mais ils nous ont tout fait, en fait. Je pense qu'à chaque fois, on dit le socialiste, ils nous ont tout fait, et à chaque fois, on se dit non, et la dernière fois, ils nous avaient pas encore tout fait. Ont encore dans les manches, mais c'est ils sont créatifs. Quand t'arrives à voir le patron du MEDEF qui félicite le gouvernement pour le 49-3, tu te dis, c'est même plus un baiser empoisonné, c'est la Kalachnikov. Vous allez voter à droite, hein, si ça continue. Non, mais j'ai décidé, et on peut me dire ce qu'on veut, maintenant, on essaiera de me faire, porter tout ce qu'on veut sur la tête. Maintenant, je ne voterai plus jamais par défaut. J'ai voté deux fois par défaut. En 2002, j'ai voté Chirac contre le Borgne. Et là, plus par défaut, mais vous voterez quand même. Je voterai au premier tour pour les gens qui ont mes idées et tout, mais je ne voterai plus au deuxième tour. Même, et je vais faire des déçus, même avec le Front National en face, je préfère me battre, avoir des gens au pouvoir contre qui je vais me battre, que d'avoir des gens en qui j'ai fait confiance et qui me trahissent. Pour moi, la pire des choses, c'est le couteau dans le dos. Les gens que j'aurai en face, je saurai ce que j'ai en face. Avoir pris dans la gueule ce qu'on prend depuis l'arrivée du Parti Socialiste au pouvoir, jamais la classe ouvrière n'a été attaquée depuis bien longtemps. Et dans le Parti Socialiste, de toute façon, on a tous compris qu'il y a deux mots de trop. Voilà. Xavier Mathieu, Xavier Mathieu, la littérature aussi adoucit les mœurs. Prenons un peu de recul toutes ces choses. Oui. Oui, parce que l'actualité, Charline, c'est aussi un chiffre record publié récemment par le Haut Commissariat aux réfugiés. Il y a 51 millions de réfugiés dans le monde, chiffre record depuis 1945. Et le pays le plus touché, on s'en doute, c'est la Syrie, avec 7,6 millions de déplacés internes et quasiment 4 millions de réfugiés. Ce sont les chiffres fin 2014. Alors la Syrie, je ne vous apprends rien Xavier, mais les médias l'ont un peu oublié. C'est pas forcément, c'est pas assez brûlant, c'est pas, ça a fait la une des journaux, puis maintenant ça l'a fait plus. Il se trouve que la littérature, elle a pas oublié parce qu'elle a bonne mémoire. Et justement, elle vient de rééditer un tout petit texte qui fait même pas 90 pages. Et c'est un texte immense qui est signé Joseph Kessel, qui s'appelle « En Syrie ». Joseph Kessel, je le rappelle, était grand reporter et écrivain. Et ce reportage, il l'a publié en 1926. Et le lire à la lumière du drame actuel syrien, honnêtement, ça fait tout drôle. Parce que on l'a tous oublié, évidemment, mais en 1926, la Syrie, elle est occupée. Et elle est occupée par qui ? Par les Français. Voilà. L'Irak, elle est aux mains des Anglais, mais en attendant, les Français, ils sont en Syrie. Alors, c'est pas tout à fait le modèle de colonisation comme en Algérie, mais il n'empêche, c'est quand même ce qu'on appelle un mandat français, donc c'est quand même les Français qui gouvernent. Et il se trouve qu'ils ne gouvernent pas très bien. Bon, alors déjà, quand Kessel arrive, il s'aperçoit de la complexité du pays. Il écrit « Il y a 27 religions en Syrie. Chacune d'elles tient lieu de nationalité. » Déjà, donc le contexte est épineux. Alors, pour faire large, il mentionne les trois grandes forces. Il y a les chrétiens à l'ouest, les druzes au sud, et dans tout le reste du pays, il y a les musulmans. Alors, en théorie, la France, elle a une mission, c'est conduire la Syrie à l'autodétermination, elle doit veiller sur son intégrité territoriale. En pratique, qu'est-ce que vont faire les Français ? Ils vont exacerber les communautarismes religieux, ils vont morceler le territoire, ils vont déclarer la guerre aux Druzes. Bref, la Syrie s'en souviendra longtemps. Et quel est le jour de la fête nationale syrienne aujourd'hui ? C'est le 17 avril 1946, jour de départ des Français. Donc la Syrie s'en souvient, et c'est ce jour-là où elle a accédé à son indépendance. Et comme par hasard, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début de cette guerre que nous connaissons et qui dure encore aujourd'hui, Bachar al-Assad ne voulait pas d'une intervention étrangère et il justifiait cette décision par ces arguments-là. Il disait pas de puissance étrangère qui morcellerait le territoire, qui diviserait le peuple syrien, qui en gros provoquerait le chaos. Et ben, en disant ça, il chatouillait la mémoire collective liée précisément à l'occupation française et à ces années-là. Alors, qui c'est lui ? Il appartient à sa génération, c'est-à-dire l'occupation française en Syrie, si on est très honnête, ça ne le choque pas. En fait, c'est une génération qui s'est pas encore pris la débâcle de 1940 dans la figure et qui a grandi avec cette idée de rayonnement de la France, puissance solidement ancrée, qui rayonne sur le monde, bienfaisante. Bon, en même temps, il voit bien que c'est fait juste n'importe comment. Et il accuse dans ce livre, il dit des choses très fortes, écoutez bien, il dit... Il n'est pas un homme sensé qui ne dise en Syrie qu'on a eu tort de créer un irrédentisme musulman. Il n'est pas un homme sensé qui ne se rende compte du tort qu'on a fait à la France en se posant, en descendant des croisés dans un pays à majorité musulmane. Donc, vous voyez, il pointe du doigt les carences de l'occupation française. Et il tempête contre l'ignorance des hommes politiques qui ne connaissent rien à l'Orient et qui sont très forts pour faire valser les différents représentants français, si bien qu'en fait les populations syriennes n'ont pas le temps de nouer un lien de confiance. Et il écrit « On voudrait donner aux Syriens l'impression de l'instabilité, manifester au monde notre incapacité d'un effort suivi, dégoûter les populations de notre mandat, que l'on n'agirait pas autrement. » Vous vous rendez compte comme c'est visionnaire et l'histoire lui donnera exactement raison. Je vous redonne les références, ça s'appelle « En Syrie » de Joseph Kessel et c'est reparu en folio. Merci Clara Dupont-Meneau. On peut retrouver toutes les références des livres dont vous nous parlez chaque jour sur franceinter.fr, sur la page de l'émission. Si tu écoutes, j'annule tout jusqu'à 18h. Nous sommes en compagnie de Xavier Mathieu, qu'on peut voir dans « La loi du marché », le film de Stéphane Brisé. Tiens, est-ce que le prix d'interprétation à Cannes de Vincent Lindon et donc la résonance que prend en plus le film, est-ce que vous sentez que ça rejaillit un peu sur vous? Est-ce que, je sais pas, vous avez des coups de fil, vous sentez une émulation autour? Moi, personnellement? Oui, personnellement. Non, pas vraiment. Est-ce qu'on vous a appelé pour un western, par exemple? Non, malheureusement, non. Si je fais un appel, je pense que vous aimeriez jouer dans un western. Donc, s'il y en a un qui se tourne, c'est vrai. Oui, oui. On passe pas. Mon père a toujours rêvé, mon père qui est un grand amateur, parce qu'il est toujours là, et un amateur de western, il a vu tous les John Wayne et tout, il a toujours rêvé de me voir jouer. Alors j'ai appris à monter à cheval, je mets un donc chapeau de temps en temps. Si quelqu'un je suis prêt à faire un western, ceux qui veulent, voilà. Si John Ford ressuscite demain, c'est bon. Voilà, il n'y a pas de souci. Avec un Colt, il faut un Colt. Ouais, et vous jouez, vous allez sortir du syndicalisme au jeu dans le cinéma, vous allez aussi jouer un flic. Ouais. Bientôt. Aux côtés d'une grande admiratrice de mon... Non, admirée. Oui. De mon père. Votre père est Lynn Renault. Ouais, je vais jouer deux jours de tournage pour un téléfilm de Xavier Duringer aux côtés de Lynn Renault. Ah, on verra, donc voilà, à la télévision c'est, aussi. C'est en une semaine, je vais avoir joué aux côtés d'une journée aux côtés de Nils Arestrup et là, Lynn Renault, là, en 15 jours, là, c'est un joli combo. Xavier Mathieu est avec nous et nous avons aussi pour vous un rôle inédit, Xavier. Je vous propose un rôle en fin d'émission. Quand on a un acteur, on lui propose un rôle. Je vous propose le rôle de Nicolas Sarkozy. je vous sens étonné. Découvre le texte aussi. Vos partenaires de jeu sont Guillaume Meurice et Charline Vanhoenacker. Parce que Nicolas Sarkozy part en tournée africaine, il est au Maroc aujourd'hui. Et avant de partir, il a pris rendez-vous avec son équipe de com. On y était, c'était hier. Xavier Mathieu, vous êtes Nicolas Sarkozy. Guillaume et Charline sont des conseillers en com. Ah Nicolas, bonjour. Alors on a beaucoup travaillé pour votre voyage en Afrique. Attendez un instant. D'abord, je voudrais savoir lequel d'entre vous m'a écrit la comparaison entre migrants et la fuite d'eau. Ah, ça vous a pas plu ça? Ah non, ça vous a pas échappé. Enfin, mais oui, mais là pour l'Afrique, on a du lourd. Ah oui, du très très lourd là. Ouais. Alors d'abord au Maroc. Non mais attendez, vous m'avez pas répondu. Qui a écrit le coup de la fuite d'eau? C'est qu'il est pas là en fait. Il est reparti. Voilà. C'est quelqu'un qui est parti. Voilà. Très bien, vous l'avez viré. Non, mais disons que son stage s'est terminé. Voilà. C'était un stagiaire. Mais il est où maintenant? Bah il est parce qu'il est retourné au collège en fait. Voilà. C'est au collège. Pardon. Voilà, c'était. Alors bon, c'était un stagiaire de troisième. Voilà. Donc vous confiez la communication à un stagiaire de troisième d'observation. c'est pas tout à fait ça. Enfin, non, c'est pas du tout ça même. Oui, non. Passons à l'Afrique. Je suis curieux. Bien là, vous n'allez pas être déçu. Oui, hein, donc pour le discours à Marrakech, vous direz au roi, j'ai le sentiment que le Maroc est comme un grand jambon. Vous êtes certain? Oui. Ah bah oui, complètement. Bon, la suite. Bon. Alors, après, vous direz, le Maroc ne doit pas se voiler la face. Vous êtes certain? Parce que tout de même. Non, mais oui, allez-y, c'est bon. On bosse dessus depuis 10 jours, donc là, on est sûr, c'est bon. Et ne me dites pas que je termine en l'homme marocain doit rentrer dans l'histoire. Mais comment vous savez ça, vous? Bon, les deux abrutis là, vous foutez le camp tout de suite, vous retournez tous les deux ans au collège et vous allez me chercher quelqu'un de professionnel. Parce que ça fait la Vous êtes rentré dedans, Xavier. L'épaule était là. Le coup d'épaule. Nicolas Canteloup, prends garde à toi. Merci beaucoup, Xavier Mathieu. Je voudrais avoir une immense pensée à. On va finir par une note de un peu moins d'humour, mais une immense pensée à François Delapierre. Le camarade du front de gauche. Voilà, le camarade du front de gauche. Son épouse et ses deux petites filles ont perdu quelqu'un de très important, mais je crois que le front de gauche aussi, le parti de gauche, a perdu quelqu'un de. Il a été aux côtés des Conti tout le temps. Cette pensée pour lui de la part de Xavier Mathieu. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. On la quitte avec Renaud. Il y a le feu dans le studio, je continue.